La clôture de la compétition sportive nationale des étudiants pour le prix 5 septembre s'est tenue le 12 à Hamu, province du Hamgyong du Sud. Les meilleures équipes et joueurs ont reçu les stations, coupes et médailles avec des prix correspondants.